Hey man, I'm trying to bring one of my brother, in fact. Half brother. So I wasn't quite immersed in the music. Nice way to making discovery in them. Well, my brother is trying to join. I feel it is unsexy. Pardon. Non, il n'y arrive pas, il y a marqué disconnect. Je l'ai fait 3 fois. Alors voilà, pour qu'on t'entende, il faut que tu cliques sur X en haut à gauche. Thank you.